Des coups de feu et des explosions ont été entendus mercredi à Khartoum, malgré le cessez-le-feu de 72 heures entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire Rapid Support Force. Les images montrent une fumée noire s'élevant au-dessus de la capitale soudanaise. La trêve temporaire a commencé lundi à minuit, heure locale, mais malgré l'accord, les combats auraient persisté dans certaines parties de la ville avec des coups de feu sporadiques et des mouvements de troupes. Selon des sources locales, le cessez-le-feu n'a pas été pleinement observé car les combats se sont poursuivis entre les deux parties, tant dans la capitale que dans d'autres régions. Le cessez-le-feu actuel aurait été convenu pour faciliter l'évacuation d'un corridor humanitaire pour des étrangers basés au Soudan, suite aux pressions de la communauté internationale. Cependant, de nouveaux combats sont attendus dans les prochains jours. Au moins 459 personnes ont été tuées jusqu'à présent depuis que le conflit a éclaté le samedi 15 avril. Un certain nombre de pays, dont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l'Espagne, ont lancé des missions d'urgence pour secourir leurs diplomates et leurs citoyens. Depuis quelques années, il y a une lutte de pouvoir entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les RSF du chef adjoint le général Emetti. Un conseil militaire dirige le pays depuis un coup d'État en 2021. Bien qu'il y ait des tensions entre les deux généraux sur la direction du pays, l'intégration de la RSF dans l'armée et la transition prévue vers un régime civil. Le conseil des généraux a succédé à un gouvernement conjoint militaro-civil qui a renversé le président Omar el-Béchir en 2019. Afrique Média, le monde, c'est nous.